avait un homme qui payait un morceau de bois. Il a dans son cœur qu'il voulut faire un bateau. Il avait un modèle qui était dans sa pensée, mais en travaillant, le dégât est venu. Quand tout d'un coup vint un conseiller et lui dit: ne fais pas comme ça, jusqu'à ce que un autre vint et détruit la pensée de cet homme. Le lendemain matin, l'homme prit ce bateau, plaça derrière la maison avec un grand regret. Il prit de nouveau un morceau de bois, recommença le travail jusqu'à ce que tout d'un coup vint un conseiller. Et l'homme lui dit: non, pas cette fois-ci. Le bateau des conseillers est derrière la maison. Pas cette fois-ci. Arrive le froid, nous voulons faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Il nous arrive d'en parler. Donne des conseils jusqu'à ce que le dégât. Le bateau des conseillers est derrière la maison. Si tu veux me conseiller, ça sera mieux que tu pries pour moi. Dieu puisse me bénir. Oui, frère, voilà que cet homme a eu son inspiration de faire un bateau. Il y a eu un homme qui est venu, il a dit: non, donne-moi cette machette. Ça ne se passe pas comme ça. Et il a fait. Il a changé même son inspiration. Et un deuxième est venu, un troisième, jusqu'à ce que ce bateau ressemblait à tout sauf à un bateau. Il n'était pas pris ce bateau, il n'a mis derrière. Il a recommencé le travail. Toi qui aimes toujours donner des conseils aux gens, est-ce que toi-même tu vis ces conseils? Frère, il nous faut parfois vivre selon l'inspiration que nous sentons dans nos cœurs. C'est pas mauvais les conseils, mais le secret aussi fait partie de notre foi. Il y avait un homme qui prit un morceau de bois. Il l'a dans son cœur, voulait faire un bateau. Et il avait un modèle qui était dans sa pensée, mais en travaillant, quand tout d'un coup vint un conseiller et lui dit: ne fais pas comme cela, jusqu'à ce que un homme